District 2000. Ça, y'a. S-O-S-C-A-R. Des productions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour assumer chacune. Des ambitions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour réaliser chacune. De tes créations, mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour assumer chacune. De tes convictions, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une. Mieux vaut deux salaires qu'un seul minable. Contente à limiter les dépenses des loisirs et de la détente, car le compte en banque est en pleine descente, alors que le nombre de factures augmente. Mieux vaut deux fois plus de taf pour deux fois plus d'heures supplémentaires, deux fois plus de primes, deux fois plus de gains monétaires. On y réfléchit à deux fois avant d'investir, car on est à deux doigts de la faillite avant de réussir. Deux fois plus de sang froid, 42 temps, 3 mouvements, la grosse tête te descend plus vite que tu ne le crois. Alors accrois ton essence, suis ta connaissance avec deux fois plus de patience pour faire le bon choix. Entre deux solutions, trois, car t'as une chance sur deux de t'en mordre les doigts. Alors reste droit avec deux fois plus de réflexion, utilise deux fois plus de connexion avec deux fois plus de conviction pour affronter deux fois plus de complications et les surmonter, même si t'as besoin de deux fois plus d'explications fondées sur des bonnes bases pour les mettre en application. Mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux pour réaliser chacune. De tes productions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux pour assumer chacune. De tes ambitions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux pour réaliser chacune. De tes créations, mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux pour assumer chacune. De tes convictions, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une, mieux vaut deux fois qu'une. Spécimen d'une espèce disparue, de nom Oscar éclairé, celui de la rue. De visage, celui de l'homme de charbon au flot orage. Je suis de l'otage d'une classe de fac qui m'a tout paysage. De femme, la régulière et la maîtresse de flammes. La destructrice et la créatrice, deux âmes. L'une invincible, l'autre couverte de cicatrices. Suis de man, Oscar mon blague, hors de la matrice. Lequel survivra, lequel disparaîtra. Est-ce que le proverbe un chien vaut mieux que deux, tu l'auras. S'avérera vers lequel crèvera. Quel cas va s'aggraver, lequel s'élève. Ai-je vraiment besoin de savoir, même si l'un canne l'autre ne se pas jamais avoir. Mieux vaut deux fois qu'une mec, faut toujours prévoir le pire en cas d'avarie. La main rigole pas, pas de continue si tu perds ton pari. Mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour réaliser chacune. De tes productions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour assumer chacune. De tes ambitions, mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour réaliser chacune. De tes créations, parce qu'à chaque fois je m'en pousse sur mes lauriers, ils deviennent chrysanthèmes. Je brise en style ceux qui me baissent en une vise un peu. J'ai deux fois plus de rage qu'hier, veulent m'avoir en deux feux. Je double deux fois pour faire gagner ma défaite. Qui veut t'aider, je multiplie texte en vivant et en direct. Trop de vérité en bouche, ramène de mic, je finis trop la life. Sur mon lit de mort, ramène des lattes aussi. Je rappe comme pas possible ce truc. J'y crois pour moi et mes sauces. Donc au mic, je lutte juste pour moi et mes sauces. Merci à Dieu pour la rue et ma science. Je garde deux yeux ouverts, les cercles sont en solde, l'argent j'y pense. 2000 fois sur 24, donc à défaut de survivre, des fois on s'adapte, ça fait. Mieux vaut deux fois qu'une, mieux que deux pour réaliser chacune. De tes productions.